pris dans cette circulation très dense, je ne suis pas le dernier de la file arrêtée. Je n'ai pas à actionner mes feux de détresse. Je dois veiller au maintien de la distance de sécurité, car le risque principal dans ces conditions de conduite est lié au carambolage. Ici, je prévois donc un espace de sécurité suffisant avec le véhicule blanc, et je roule au centre de ma voie. Réponse B et D.